chez Jean Dumas Ford de Dolbeau-Mistassini. Profitez du prix employé jusqu'au 2 octobre sur le F-150. De plus, profitez d'un rabais de 1 000 $ supplémentaires si vous êtes membre Costco. Jean Dumas Ford, 1711 boulevard Vézina, Dolbeau-Mistassini, 418-276-1316. Toute l'équipe de Jean Dumas Ford souligne l'importance d'acheter localement pour soutenir notre économie. A marqué le monde du sport local et régional hier, c'est évidemment le décès de Pierre Pilote. Pierre Pilote qui est décédé à l'âge de 85 ans. Probablement un des meilleurs joueurs natifs de la région qui a joué au hockey. Pierre Pilote a joué, comme je mentionnais, de 55 à 69 avec les Blackhawks de Chicago. A remporté 3 trophées Norris, soit 1963, 1964 et 1965. Également, a été intronisé au Temple de la Renommée en 1975. Le 16 juin 2016, à la mort de Gordie Howe, il m'avait livré une entrevue pour parler un peu de la carrière de Gordie Howe. Et on va vous. Question de, évidemment de vous remettre et, dans l'esprit de cette journée. On va vous faire passer des extraits de la dernière entrevue sur les ondes de danadiosport.com. Et dans un premier temps, il rendait hommage à Gordie Howe. Donc, on va écouter là-dessus. Pierre Pilote, le 16 juin 2016. C'est... Moi, j'étais chanceux d'une manière parce que lui, il jouait sur le leg droite, tu sais, puis moi... Moi, je jouais toujours contre les alliés de gauche, ouais. Tu sais. Mais on ne s'est jamais bataillé, mais tu sais, je veux dire, il m'a respecté, puis moi, je le respectais. Mais Gordie était un gars que si tu voulais jouer au hockey, puis pas des folies, là, tu sais, des hookages, puis des cross-checking, puis toutes sortes d'affaires de même. Il voulait bien, il restait tranquille d'une manière, tu sais, je veux dire, il voulait jouer le hockey. Et dans un deuxième temps, Pierre Pilote mentionne évidemment qu'il respectait énormément Gordie Howe à l'époque. Une manière, oui, on peut dire ça, parce qu'il était, était comme un magicien, okay. Tu sais. Tu sais qu'il faisait des fois, tu sais, l'arbitre n'était pas capable de te pogner, tu sais, je veux dire. Mais il était si gros, tu sais, comparé, si fort. OK. Ouais. Il faisait des... il était pas comme tu dis, mais moi, même jamais... Pierre Pilote se rappelait d'un incident où ce que Gordie Howe avait replacé un joueur qu'il a voulu intimider. Puis moi, je le respectais. Ça dépendait... Je me rappelle une fois quand Fontinato du Ranger, il faisait des fois. Ouais. Gordie, il a donné une belle leçon. OK, sais? OK. C'est comme ça, c'était un gars comme ça, tu sais. C'est que tu voulais jouer au hockey, puis il faut que tu jouais fort comme lui. Et c'est lui qui essayait de gagner, puis moi j'essayais de gagner. Ouais. C'était lui qui le faisait plus. Et dans un dernier temps, le 16 juin 2016, on avait parlé avec Pierre Pilote de Gordie Howe, comment il était un homme fort. Non, il a bien joué. Il a commencé en 1954, je pense, puis. Non, 1946. Puis il a joué pour. 1940 jusqu'à 1980. Il a joué mais lui, ce gars-là, il était fait fort. Moi, je l'ai vu, là. Hein. Les bras très, très longs puis forts. Il n'y avait pas de pause. C'était juste des gros bras. Mais il n'était pas grand. Il avait 6 pieds. Mais dans ce temps-là, 6 pieds, il y avait beaucoup de monde qui était 5'8, 5'9, 5'10, 5'11. Mais 6 pieds, 6 pieds 1. Mais avec la force qu'il avait, puis il était capable. Donc voilà, c'était des extraits de l'entrevue que j'avais réalisée le 16 juin 2016 à l'annonce de la mort de Gordie Howe. On sait que Pierre Pilote nous a quittés en fin de semaine à l'âge de 85 ans. On rappelle évidemment qu'il a remporté 3 trophées Norris en 1963, 1964 et 1965, en plus d'avoir été intronisé au Temple de la Renommée du hockey en 1975. Donc, les sympathies évidemment à toute la famille de Pierre Pilote.